raconte un peu. Ouais, tout est en ordre. Moyenne. Au cours de notre dernière leçon, nous avons étudié les chiffres qui, comme vous l'avez constaté, ne sont pas toujours faciles à mémoriser. Toutefois, il faudra bien y passer puisqu'ils sont indispensables dans beaucoup de situations de la vie quotidienne. Un exercice à faire est d'essayer de formuler le numéro de votre téléphone, de vos comptes bancaires ou de votre plaque minéralogique en luxembourgeois ou, mieux encore, de passer quelques heures à jouer au bingo avec des amis luxembourgeois. Un des contextes dans lesquels vous aurez besoin de chiffres, c'est lors de vos déplacements en voiture où il faudra, par exemple, connaître les limitations de vitesse ou les distances à parcourir d'un endroit à l'autre. Voyons ça de plus près en nous basant sur les exercices proposés par le livre que nous avons recommandé au début de nos cours. An der Stadt dürft ihr nehmen mit 50 fahren. An der Stadt dürft ihr nehmen mit 50 fahren. En ville, la vitesse est limitée à 50 ou mot à mot. En ville, vous pouvez seulement conduire à 50 à l'heure. Über Land dürft ihr mit 90 fahren. À la campagne, vous pouvez conduire à 90. Auf der Autobahn dürft ihr mit 120 fahren. Sur l'autoroute, vous pouvez conduire à 120. Encore une fois. An der Stadt dürft ihr nehmen mit 50 fahren. Über Land dürft ihr mit 90 fahren. Auf der Autobahn dürft ihr mit 120 fahren. Mais voilà, vous n'avez pas respecté ces limitations et vous êtes tombé dans un contrôle radar. Un policier vous approche. Ihr dürft heute nicht mehr mit 50 fahren. Ici, vous ne devez faire que du 50. Ihr fahrt aber mit 70. Mais vous faites du 70. Das sind da 20 zu viel. Ça en fait 20 de trop. Encore une fois. Ihr dürft heute nicht mehr mit 50 fahren. Ihr fahrt aber mit 70. Das sind da 20 zu viel. Vous devez aller un jour à Arlon et vous vous renseignez sur la distance entre Luxembourg et Arlon. Quelle est la distance de Luxembourg à Arlon? En luxembourgeois, vous demandez combien loin est-il de Luxembourg à Arlon? Wie weit ist es von Lützebüsch ob Arl? 25 km. 25 km. Encore une fois, 25 km. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est de répéter la scène du bistrot en additionnant les prix des boissons et en rendant la monnaie au client. 25 an 33 à 75 an 112, donc 25 et 33 et 75 et 112, 25 an 33 à 75 an 112, à 55 et 55, dat mischt zusammen 300 francs, 300 francs. Hei sind 1000 francs. Da kriegt ihr nach 700 francs zurück. Dont le détail est pour tenir compte de la dénomination de l'argent luxembourgeois, vous rendez d'abord 100 francs et encore 100 pour en faire 200, puis 500, 100, 200 à 500. Das macht 700. Un autre détail à retenir, pour les chiffres 1 et 2, le luxembourgeois a une forme masculine et féminine. Pour le 1, le principe est le même qu'en français. 1, une, in, eng. In, apple, eng, banane. Notez qu'en luxembourgeois, un apple, une pomme, est masculin. Le chiffre 1 au masculin ressemble à l'article indéfini un, sauf que la voyelle est plus longue, in. Pour le féminin, le chiffre 1 et l'article indéfini sont les mêmes. Pour le 2, tsue, la forme féminine est tsuo. Tsue apple, masculin, tsuo bananen, féminin. Mais il ne suffit pas de savoir compter. Il faut aussi savoir dire le premier, le deuxième, le troisième, etc. Comme en français, cela se fait en ajoutant une terminaison qui se répète par tous les chiffres. En français, c'est « yem ». En luxembourgeois, c'est « den ». Également comme en français. Le premier fait exception. On dit « den echten » et non « den inten ». La troisième aussi se distingue un peu du reste pour devenir « den dritten » et non « den dreiten ». Ce qui nous donne « den echten, den zweiten, den dritten, de feierten, de fünften, de sechsten, de siebenten, den achten, den ninkten, den zehnten, den elften, den zwölften, den urzehnten, den neunzehnten, den zwanzigsten, den fünfundzwanzigsten, den sechsunddreißigsten, den fünfundneunzigsten. Repetons. Den ersten, den zweiten, den dritten, der vierten, der fünften, der sechsten, der siebenten, den achten, den neunten, den zehnten, den elften, den urzehnten, den neunzehnten, den zwanzigsten, den fünfundzwanzigsten, den sechsunddreißigsten, den fünfundneunzigsten. Et voilà pour aujourd'hui. On se réentendra.